Mais quand la porte fut refermée, à la vue de ce jeune prêtre, son hôte, qui avait assisté à la mort de ses deux chers enfants endormis pour toujours dans la salle voisine, le cardinal fut repris d'une émotion indicible, d'une faiblesse inattendue, où toute son énergie sombra. C'était la revanche de son humanité, maintenant que son rival n'était plus là pour le voir. Il chancela, ainsi qu'un vieil arbre tremblant sous la cognée. Il s'affaissa sur une chaise, tout d'un coup suffoqué par de gros sanglots. Et, comme Pierre voulait, selon le cérémonial, baiser l'émeraude qu'il portait à l'annuaire, il le releva, le fit asseoir immédiatement devant lui, en bégayant d'une voix entrecoupée. « Non, non, mon cher fils, prenez ce siège. Attendez, excusez-moi, laissez-moi un instant, j'ai le cœur qui éclate. » Il sanglotait dans ses mains jointes. Il ne pouvait se maîtriser, renfoncer en lui la douleur de ses doigts vigoureux encore, qu'il serrait sur ses joues et sur ses tempes. Des larmes montèrent alors aux yeux de Pierre, revivant à son tour l'affreuse aventure, bouleversé de voir pleurer ce grand vieillard, ce saint et ce prince d'ordinaire si hautain, si maître de lui, et qui n'était plus là qu'un pauvre être d'agonie et de souffrance, aussi perdu, aussi faible qu'un enfant. Étouffant lui-même, il voulut pourtant présenter ses condoléances. Il chercha par quelles bonnes paroles il apporterait quelque douceur à ce désespoir. « Je supplie votre éminence de croire à mon chagrin profond. J'ai été comme elle comblée de bonté. J'ai tenu à lui dire tout de suite combien cette perte irréparable. » Mais d'un geste vaillant, le cardinal le fit taire. « Non, non, ne dites rien, de grâce, ne dites rien. » Et un silence régna, tandis qu'il pleurait toujours, secoué par sa lutte, attendant de redevenir assez fort pour se vaincre. Enfin, il dompta son frisson. Il dégagea lentement sa face, peu à peu apaisée, redevenue celle d'un croyant fort de sa foi, soumise à la volonté de Dieu. Puisque Dieu s'était refusé à faire un miracle, puisqu'il frappait si durement sa maison, il avait ses raisons sans doute. Et lui, un de ses ministres, un des hauts dignitaires de sa cour terrestre, n'avait qu'à s'incliner. Le silence se prolongea un moment encore. Puis, d'une voix qu'il avait réussi à rendre naturelle et obligeante, « Vous nous quittez, vous partez demain, mon cher fils ?»« Oui, demain. J'aurai l'honneur de prendre congé de votre éminence, en la remerciant une fois encore de sa bienveillance inépuisable. Alors, vous avez su que la congrégation de l'Index avait condamné votre livre, comme cela était inévitable. Oui, j'ai eu l'insigne faveur d'être reçu par sa sainteté, et c'est devant elle que je me suis soumis et que j'ai réprouvé mon œuvre. » Une flamme commença à remonter aux yeux humides du cardinal. « Hein? Vous avez fait cela? Ah! Vous avez bien agi, mon cher fils. Ce n'était que votre devoir strict de prêtre. Mais il y en a tant de nos jours qui ne font pas même leur devoir. Comme membre de la congrégation, j'ai tenu la parole que je vous avais donnée, de lire votre livre, d'en étudier soigneusement surtout les pages visées par l'accusation. Et si ensuite je suis resté neutre, si j'ai affecté de me désintéresser de l'affaire jusqu'à manquer la séance où elle a été jugée, ce n'a été que pour faire plaisir à ma pauvre chère nièce, qui vous aimait, qui vous défendait près de moi. » Les larmes le reprenant, il s'interrompit. Il sentit qu'il allait défaillir encore s'il évoquait le souvenir de Benedetta, l'adorée, la regrettée. Aussi fut-ce avec une âpreté batailleuse qu'il continua. Mais quel livre exécrable, mon cher fils, permettez-moi de le dire. Vous m'aviez affirmé que vous étiez respectueux du dogme, et je me demande encore par quelle aberration vous aviez pu tomber dans un aveuglement tel que la conscience même de votre crime vous échappait. Respectueux du dogme, grand Dieu! Lorsque l'œuvre entière est la négation même de toute notre sainte religion. Vous n'aviez donc pas senti qu'en demandant une religion nouvelle, c'était condamner absolument l'ancienne, la seule vraie, la seule bonne, la seule éternelle. Et cela suffisait pour faire de votre livre le plus mortel des poisons, un de ces livres infâmes qu'on brûlait autrefois par la main du bourreau, qu'on laisse forcément circuler de nos jours après l'avoir interdit et désigné par la même aux curiosités perverses, ce qui explique la pourriture contagieuse du siècle. Ah, que j'ai bien reconnu là les idées de notre distingué et poétique parent, ce cher vicomte Philibert de la Choue. Un homme de lettres, oui, un homme de lettres, de la littérature, rien que de la littérature. Je prie Dieu de lui pardonner, car il ne sait sûrement pas ce qu'il fait ni où il va, avec son christianisme d'élégie pour les ouvriers beaux parleurs et pour les jeunes gens des deux sexes dont la science a rendu l'âme vague. Et je ne garde ma colère que contre son éminence le cardinal Bergerot, car celui-ci sait ce qu'il fait, il fait ce qu'il veut. Ne dites rien, ne le défendez pas. Il est la révolution dans l'Église. Il est contre Dieu. En effet, Pierre, bien qu'il se fût promis de ne pas répondre, de ne pas discuter, avait laissé échapper un geste de protestation devant cette furieuse attaque, contre l'homme qu'il respectait le plus, qu'il aimait le plus au monde. D'ailleurs, il céda, il s'inclina de nouveau. « Je ne puis dire assez mon horreur, » continua rudement Boccanera. « Oui, mon horreur de tout ce songe creux d'une religion nouvelle, de cet appel aux plus laides passions qui soulèvent les pauvres contre les riches, en leur annonçant je ne sais quel partage, quelle communauté aujourd'hui impossible, de cette basse flatterie au menu peuple qui lui promet, sans pouvoir jamais les lui donner, une égalité et une justice qui vient de Dieu seul, que Dieu seul pourra faire régner enfin au jour marqué par sa toute-puissance, de cette charité intéressée dont on abuse contre le ciel lui-même pour l'accuser d'iniquité et d'indifférence, de cette charité larmoyante et amollissante, indigne des cœurs solides et forts, comme si la souffrance humaine n'était pas nécessaire au salut, comme si nous ne devenions pas plus grands, plus purs, plus près de l'infini bonheur, à mesure que nous souffrons davantage. » Il s'exaltait. Il était saignant et superbe. C'était son deuil, sa blessure au cœur qui l'exaspérait ainsi, le coup de massue qu'il avait abattu un moment, et sous lequel il se relevait, s'y provoquant contre la douleur, s'y entêtait dans son idée stoïque d'un Dieu omnipotent, maître des hommes, réservant sa félicité aux seuls élus de son choix. De nouveau, il fit un effort pour se calmer. Il reprit plus doucement. « Enfin, mon cher fils, le bercail est toujours ouvert, et vous y voilà de retour, puisque vous vous êtes repenti. Vous ne sauriez croire combien j'en suis heureux. » À son tour, Pierre s'efforça de se montrer conciliant, afin de ne pas ulcérer davantage cette âme violente et endolorie. « Votre éminence peut être certaine que je tâcherai de n'oublier aucune de ces bonnes paroles, pas plus que je n'oublierai le paternel accueil de sa sainteté Léon XIII. » Mais cette phrase parut rejeter Boccanera dans son agitation. Ce ne furent tout d'abord que des paroles sourdes retenues à demi, comme s'il se débattait pour ne pas interroger directement le jeune prêtre. « Ah oui, vous avez vu sa sainteté, vous avez causé avec elle. Et elle a dû vous dire, n'est-ce pas, comme à tous les étrangers qui vont la saluer, qu'elle voulait la conciliation, la paix. Moi, je ne la vois plus que dans les occasions inévitables. Voici plus d'un an que je n'ai pas été admis en audience particulière. Cette preuve publique de défaveur, cette lutte sourde, qui, de même qu'au temps de Pie IX, heurtait le Saint-Père et le Camerlingue, emplissait d'amertume ce dernier. Il lui fut impossible de se contenir. Il parla, en se disant sans doute qu'il avait devant lui un familier, un homme sûr, qui d'ailleurs partait le lendemain. La paix, la conciliation, on va loin avec ces beaux mots, si souvent vides de vraie sagesse et de courage. La vérité terrible, c'est que les 18 années de concession de Léon XIII ont tout ébranlé dans l'Église, et que, s'il régnait longtemps encore, le catholicisme croulerait, tomberait en poudre, ainsi qu'un édifice dont on a sapé les colonnes. Pierre, très intéressé, ne put s'empêcher de soulever des objections pour s'instruire. Mais ne s'est-il pas montré très prudent? N'a-t-il pas mis le dogme à l'écart dans une forteresse inexpugnable? En somme, s'il paraît avoir cédé en beaucoup de points, ça n'a jamais été que dans la forme. La forme, ah oui, reprit le cardinal avec une passion croissante. Il vous a dit, comme aux autres, qu'intraitable sur le fond, il cédait volontiers sur la forme. Parole déplorable, diplomatie équivoque, quand elle n'est pas une simple et basse hypocrisie. Mon âme se soulève à cet opportunisme, à ce jésuitisme qui ruse avec le siècle, qui est fait seulement pour jeter le doute parmi les croyants, le désarroi du sauve-qui-peut, cause prochaine des irrémédiables défaites. Une lâcheté, la pire des lâchetés, l'abandon de ses armes afin d'être plus prompt à la retraite, la honte d'être soi tout entier, le masque accepté dans l'espoir de tromper le monde, de pénétrer chez l'ennemi et de le réduire par la traîtrise. Non, non, la forme est tout dans une religion traditionnelle, immuable, qui depuis 1800 ans a été, qui est encore, qui restera, jusqu'à la fin des âges, la loi même de Dieu. Il ne put rester assis. Il se leva, se mit à marcher au travers de l'étroite pièce qu'il semblait emplir de sa haute taille. Et c'était tout le règne, toute la politique de Léon XIII qu'il discutait, qu'il condamnait violemment. L'unité, la fameuse unité qu'on lui fait une gloire si grande de vouloir rétablir dans l'Église, ce n'est là que l'ambition furieuse et aveugle d'un conquérant qui élargit son empire, sans se demander si les nouveaux peuples soumis ne vont pas désorganiser son ancien peuple, jusque-là fidèle, l'adultérer, lui apporter la contagion de toutes les erreurs. Et si les schismatiques d'Orient, si les schismatiques des autres pays, en rentrant dans l'Église catholique, la transforment totalement, à ce point qu'ils la tuent, qu'ils en fassent une Église nouvelle. Il n'y a qu'une sagesse, n'être que ce qu'on est, mais être solidement. De même, n'est-ce pas à la fois un danger et une honte, cette prétendue alliance avec la démocratie? Cette politique que suffit à condamner l'esprit séculaire de la papauté? La monarchie est de droit divin, l'abandonner est aller contre Dieu, pactiser avec la Révolution, rêver ce dénouement monstrueux d'utiliser la démence des hommes pour mieux rétablir sur eux son pouvoir. Toute république est un état d'anarchie, et c'est dès lors la plus criminelle des fautes. C'est ébranler à jamais l'idée d'autorité, d'ordre, de religion même, que de reconnaître la légitimité d'une république, dans l'unique but de caresser le rêve d'une conciliation impossible. Aussi, voyez ce qu'il a fait du pouvoir temporel. Il le réclame bien encore, il affecte de rester intransigeant sur cette question de la reddition de Rome. Mais en réalité? Est-ce qu'il n'en a pas consommé la perte? Est-ce qu'il n'y a pas renoncé définitivement? Puisqu'il reconnaît que les peuples ont le droit de disposer d'eux, qu'ils peuvent chasser leur roi et vivre comme les bêtes libres au fond des forêts. Brusquement, il s'arrêta, leva les deux bras au ciel dans un élan de sainte colère. Ah, cet homme! Ah, cet homme qui, par sa vanité, par son besoin du succès, aura été la ruine de l'Église. Cet homme qui n'a cessé de tout corrompre, de tout dissoudre, de tout émietter, afin de régner sur le monde, qu'il croit reconquérir ainsi. Pourquoi, Dieu Tout-Puissant, pourquoi ne l'avez-vous pas encore rappelé à vous? Et cet appel à la mort prenait un accent si sincère, il y avait là une haine grandie par un si réel désir de sauver Dieu en péril ici-bas, que Pierre fut traversé lui aussi d'un grand frisson. Maintenant, il le voyait, ce cardinal Boccanera, qui haïssait religieusement, passionnément Léon XIII. Il le voyait guettant depuis des années déjà, du fond de son palais noir, la mort du pape, cette mort officielle qu'il avait la charge de constater, à titre de camerlingue. Comme il devait l'attendre, comme il souhaitait avec une impatience fébrile l'heure bienheureuse où il irait, armé du petit marteau d'argent, taper les trois coups symboliques sur le crâne de Léon XIII glacé, rigide, étendu sur son lit, entouré de sa cour pontificale. Ah ! Taper enfin à ce mur du cerveau, pour être bien certain que rien ne répondait plus, qu'il n'y avait plus rien là-dedans, rien que de la nuit et du silence. Et ces trois appels retentiraient. « Joachim ! Joachim ! Joachim !» Et, le cadavre ne répondant pas, le camerlingue se tournerait après avoir patienté quelques secondes, puis il dirait « Le pape est mort !» Pourtant, reprit Pierre, qui voulait le ramener au présent, « la conciliation est une arme de l'époque. C'est pour vaincre à coup sûr que le Saint-Père consent à céder sur les questions de forme. « Il ne vaincra pas, il sera vaincu !» cria Boccanera. « Jamais l'Église n'a eu la victoire qu'en s'obstinant dans son intégralité, dans l'éternité immuable de son essence divine. Et il est certain que le jour où elle laisserait toucher à une seule pierre de son édifice, elle croulerait. Rappelez-vous le moment terrible qu'elle a passé au temps du Concile de Trente. La réforme venait de l'ébranler d'une façon profonde. Le relâchement de la discipline et des mœurs s'aggravait partout. C'était un flot montant de nouveautés, d'idées soufflées par l'esprit du mal, de projets malsains qu'enfantait l'orgueil de l'homme, lâché en pleine licence. Et dans le Concile même, bien des membres étaient troublés, gangrenés, prêts à voter les modifications les plus folles, tout un véritable schisme s'ajoutant aux autres. Eh bien, si à cette époque critique, sous la menace d'un si grand péril, le catholicisme a été sauvé du désastre, c'est que la majorité, éclairée par Dieu, a maintenu le vieil édifice intact. C'est qu'elle a eu le divin entêtement de s'enfermer dans le dogme étroit. C'est qu'elle n'a rien concédé, rien, rien, ni sur le fond, ni sur la forme. Aujourd'hui, certes, la situation n'est pas pire qu'à l'époque du Concile de Trente. Mettons qu'elle soit la même. Et dites-moi s'il n'est pas plus noble, plus courageux et plus sûr pour l'Église d'avoir, comme autrefois, la bravoure de dire hautement ce qu'elle est, ce qu'elle a été, ce qu'elle sera. Il n'y a de salut pour elle que dans sa souveraineté totale, indiscutable. Et puisqu'elle a toujours vaincu par son intransigeance, c'est la tuer que de vouloir la concilier avec le siècle. Il se remit à marcher, de son pas songeur et puissant. Non, non, pas un accommodement, pas un abandon, pas une faiblesse. Le mur d'airain qui barre la route, la borne de granit qui limite un monde. Je vous l'ai déjà dit, le jour de votre arrivée, mon cher fils. Vouloir accommoder le catholicisme au temps nouveau, c'est hâter sa fin, s'il est vraiment menacé d'une mort prochaine, comme les athées le prétendent. Et il mourrait bassement, honteusement, au lieu de mourir debout, digne et fier, dans sa vieille royauté glorieuse. Ah, mourir debout, sans rien renier de son passé, en bravant l'avenir, en confessant sa foi entière. Et ce vieillard de 70 ans semblait grandir encore, sans peur devant l'anéantissement final, avec un geste de héros qui défiait les siècles futurs. La foi lui avait donné la paix sereine, cette paix que l'explication de l'inconnu par le divin apporte à l'esprit, dont elle satisfait pleinement le besoin de certitude en le remplissant. Il croyait, il savait. Il était sans doute et sans peur sur le lendemain de la mort. Mais une mélancolie hautaine avait passé dans sa voix. Dieu peut tout, même détruire son œuvre s'il la trouve mauvaise. Tout croulerait demain. La Sainte Église disparaîtrait au milieu des ruines. Les sanctuaires les plus vénérés s'effondreraient sous la chute des astres, qu'il faudrait s'incliner et adorer Dieu, dont la main, après avoir créé le monde, l'anéantirait ainsi, pour sa gloire. Et j'attends, je me soumets d'avance à sa volonté, qui seule peut se produire, car rien n'arrive sans qu'il le veuille. Si vraiment les temples sont ébranlés, si le catholicisme doit demain tomber en poudre, je serai là, pour être le ministre de la mort, comme j'ai été le ministre de la vie. Même, je le confesse, il est certain qu'il y a des heures où des signes terribles me frappent. Peut-être, en effet, la fin des temps est-elle proche, et allons-nous assister à cet écroulement du vieux monde dont on nous menace. Les plus dignes, les plus hauts sont foudroyés, comme si le ciel se trompait, punissait en eux les crimes de la terre. Et n'ai-je pas senti le souffle de l'abîme où tout va sombrer depuis que ma maison, pour des fautes que j'ignore, est frappée de ce deuil affreux qui la jette au gouffre, la fait rentrer dans la nuit, à jamais. Là, dans la pièce voisine, il évoquait les deux chers morts qui ne cessaient d'être présents. Des sanglots remontaient à sa gorge, ses mains tremblaient, son grand corps était agité d'une dernière révolte de douleur sous l'effort de sa soumission. Oui, pour que Dieu se fût permis de l'atteindre si cruellement, de supprimer sa race, de commencer ainsi par le plus grand, par le plus fidèle, ce devait être que le monde était définitivement condamné. La fin de sa maison, n'était-ce pas la fin prochaine de tout? Et dans son orgueil souverain de prince et de prêtre, il trouva un cri de suprême résignation. « Oh, Dieu puissant, que votre volonté soit donc faite, que tout meure, que tout croule, que tout retourne à la nuit du chaos. Je resterai debout dans ce palais en ruine. J'attendrai d'y être enseveli sous les décombres. Et si votre volonté m'appelle à être le fossoyeur auguste de votre sainte religion. Ah, soyez sans crainte, je ne ferai rien d'indigne pour la prolonger de quelques jours. Je la maintiendrai debout comme moi, aussi fière, aussi intraitable qu'au temps de sa toute-puissance. Je l'affirmerai avec la même obstination vaillante, sans rien abandonner, ni de la discipline, ni du rite, ni du dogme. Et le jour venu, je l'ensevelirai avec moi, l'emportant toute dans la terre plutôt que de rien céder d'elle, la gardant entre mes bras glacés pour la rendre à votre inconnu, tel que vous l'avez donné en garde à votre Église. Ô Dieu puissant, souverain maître, disposez de moi, faites de moi, si cela est dans vos desseins, le pontife de la destruction, de la mort du monde. » Saisi, Pierre frémissait de peur et d'admiration devant cette extraordinaire figure qui se dressait, le dernier pape menant les funérailles du catholicisme. Il comprenait que Boccanera avait dû parfois faire ce rêve. Il le voyait dans son Vatican, dans son Saint-Pierre qu'éventrait la foudre, debout, seul au travers des salles immenses que sa cour pontificale, terrifiée et lâche, avait abandonnée. Lentement, vêtu de sa soutane blanche, portant ainsi en blanc le deuil de l'Église, il descendait une fois encore jusqu'au sanctuaire, pour y attendre que le ciel, au soir des temps, tombât, écrasant la terre. Trois fois, il redressait le grand crucifix que les convulsions suprêmes du sol avaient renversé. Puis, lorsque le craquement final fendait les marbres, il le saisissait d'une étreinte. Il s'anéantissait avec lui sous l'effondrement des voûtes. Et rien n'était d'une plus royale, d'une plus farouche grandeur. D'un geste, le cardinal Boccanera, sans voix, mais sans faiblesse, invincible et droit quand même dans sa haute taille, donna congé à Pierre, qui, cédant à sa passion de la beauté et de la vérité, trouvant que lui seul était grand, que lui seul avait raison, lui baisa la main. Ce fut le soir, dans la salle du trône, quand les visites cessèrent à la nuit tombée, qu'on ferma les portes et qu'on procéda à la mise en bière. Les messes venaient de finir, les sonnettes de l'élévation ne tintaient plus, le balbutiement des paroles latines se taisait, après avoir bourdonné aux oreilles des deux chers enfants morts pendant 12 heures. Et, alourdissant l'air, en veille de silence, il ne restait que le parfum violent des roses, que l'odeur chaude des deux cierges de cire. Comme ceci n'éclairait guère la vaste salle, on avait apporté des lampes que des domestiques tenaient au poing, ainsi que des torches. Selon l'usage, tous les domestiques de la maison étaient là pour dire un dernier adieu au maître, qu'on allait coucher à jamais dans la mort. Il y eut quelques retards. Morano, qui depuis le matin se donnait beaucoup de peine pour veiller aux 1000 détails, venait de courir encore, désespéré de ne pas voir arriver le triple cercueil. Enfin, des domestiques le montèrent, on put commencer. Le cardinal et Donna Serafina se tenaient côte à côte près du lit. Pierre était là également, ainsi que Don Vigilio. Ce fut Victorine qui se mit à coudre les deux amants dans le même suaire, une large pièce de soie blanche, où ils semblèrent vêtus de la même robe de mariée, la robe gaie et pure de leur union. Puis deux domestiques s'avancèrent, aidèrent Pierre et Don Vigilio à les coucher dans le premier cercueil de bois de sapin capitonné de satin rose. Il n'était guère plus large que les cercueils ordinaires, tellement les deux amants étaient jeunes, d'une élégance mince, et tellement leur étreinte les nouait, ne faisait d'eux qu'un seul corps. Quand ils y furent allongés, ils y continuèrent leur éternel sommeil, la tête à demi noyée parmi leurs chevelures odorantes qui se mêlaient. Et quand cette première bière se trouva enfermée dans la seconde, de plomb, puis dans la troisième, de chêne, quand les trois couvercles eurent été soudés et vissés, on continua à voir les faces des deux amants, par l'ouverture ronde, garnie d'une épaisse glace, pratiquée selon la mode romaine dans les trois bières. Et, à jamais séparés des vivants, seuls au fond de ce triple cercueil, ils se souriaient toujours, ils se regardaient toujours, de leurs yeux obstinément ouverts, ayant l'éternité pour épuiser leur amour infini.